Bonjour amis Sagittaires, alors on va regarder maintenant quel est votre oracle de Béline concernant le mois de mars. Donc quel est le tirage, quel est le conseil, hein, puisqu'on ne peut pas aller dans un tirage approfondi. Donc pour vous, pour le mois de mars 2023. Oula! Alors, la coupe, elle indique peut-être une petite déception concernant quelque chose que vous désiriez. Mais on va voir, hein, puisque c'est juste la coupe qui colore le jeu. Donc Sagittaire, Sagittaire, mars 2023. Oh oui, on parle bien de désir amoureux. Allez, oh oh. Oui, en effet. Alors attention, parce que voilà, dans la coupe, vous aviez une déception possible sur le désir que vous aviez par rapport à une personne, déception affective. Et donc ici, c'est vrai qu'il est possible que vous soyez très amoureux de quelqu'un. Et le problème, c'est que cette personne-là, eh bien, elle risque de partir et de s'éloigner de vous au mois de mars. Pour une nouvelle rencontre. Donc ça, il y a des Sagittaires qui seront dans cette situation. Évidemment, cela changera par la suite, il y aura d'autres rencontres. Voilà, en tout cas, c'est ce que ça dit pour le mois de mars, pour les Sagittaires. Les Sagittaires qui sont en couple depuis longtemps, bien, moi, je dirais quand même, faites attention, parce que pour le moment, peut-être que vous ou votre conjoint, conjointe, est un petit peu en manque de certaines choses. Peut-être que vous ne vous amusez pas assez ensemble, peut-être que vous ne partagez pas suffisamment de loisirs communs ou des choses comme ça, ou des amis communs. Et donc, cela peut vous éloigner au mois de mars. Un petit temps ici, il ne s'agit pas forcément de séparation pour les couples plus solides, mais en tout cas, soyez très à l'écoute de l'autre et également exprimez vos désirs pour pouvoir vous retrouver. Vous voyez ici, on a vraiment besoin peut-être d'entreprises communes. Alors, si votre partenaire vous propose quelque chose, une activité qui ne vous emballe pas, ne dites pas non une énième fois. Essayez un petit peu de partager davantage de choses ensemble, c'est important pour vous. Et pour ceux qui venaient de commencer ou qui avaient envie d'une personne, je parle pour les célibataires qui sont dans des rencontres voilà, qui changent, hein, qui sont plus mouvantes, ben là il y a quelqu'un vraiment, vous ne devez pas compter dessus, et au mois de mars vous allez le comprendre. Voilà, il y aura quelqu'un d'autre par la suite, ne vous inquiétez pas. Alors bon mois de mars.